On va parler de lutte. En fin de semaine, c'était le SummerSlam qui était disputé à Brooklyn. Par contre, il y avait un gala de lutte à Chibougamau en fin de semaine. Et question de savoir un peu comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui a motivé? On rejoint Yannick Harvey. Salut Yannick! Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Yannick, on a bien connu à l'époque du soccer. C'est lui qui a fondé le soccer à Chibougamau avec d'autres personnes. Là, il s'est donné à la lutte. Pourquoi tu t'es donné à la lutte? Ben oui, effectivement. En passant, je suis toujours dans le soccer. Comme entraîneur, okay. Je suis plus dans l'organisation au niveau du conseil administratif, tout ça. Mais je continue de faire du soccer. Pourquoi la lutte? C'est une passion quand j'étais tout petit. Okay. Qui est toujours restée. Puis il est arrivé des événements, je te dirais, dans les 5 dernières années, qui ont fait en sorte de mettre cette passion-là sur la table, puis de me poser des questions à savoir si j'avais le goût d'en faire. La Jonquière Championship Wrestling, qui est à Jonquière sur le boulevard Harvey, m'a donné l'opportunité justement de suivre des cours gratuitement. Okay. Puis depuis 3 ans, je lutte pour cette organisation-là. Puis depuis 2 ans, on organise des shows ici à Chibougamau, justement la JCW se déplace avec ses lutteurs. Puis écoute, ça grossit d'année en année. L'année passée, on était au gymnase du centre d'études collégiales à Chibougamau, et cette année, on a fait ça à l'aréna. Incroyable, pareil. Donc, comment il y avait de monde? Cette année, on avait autour de 400 personnes. Je te dirais que le vrai chiffre, on va le sortir mercredi, parce que on est en train encore de comptabiliser justement les rentrées, les billets. Il y a des billets qui se sont vendus dans certains points de vente, justement, qui n'ont pas été encore comptabilisés. Alors, on veut vraiment la totalité des billets vendus et non juste le nombre de spectateurs qui étaient présents. Mais au nombre de spectateurs, on était autour de 400 personnes. Je faisais une moseuse de belle foule, là, avec le beau setup qu'il y avait, l'écran géant, les lumières, les lasers, la boucane, tout ça, c'était écœurant, là. OK. Dis-moi, quand tu as commencé ça l'année passée, à amener à Chibougamau, ça devait être un certain risque, pareil? Ouais, c'est un risque, mais un risque quand même qui était bien calculé, parce qu'on a impliqué plusieurs partenaires dans l'aventure, des partenaires financiers. On a vendu, dans le fond, le tour du ring, alors la première rangée, à nos partenaires financiers, avec une possibilité justement de publicité durant 2 mois de temps. Alors, il y a plusieurs partenaires qui ont embarqué, puis on a récidivé cette année. Alors, on a fait la même chose, et juste le fait d'amener ces partenaires-là en première rangée, faire en sorte de payer d'une certaine façon le spectacle en tant que tel. Puis le reste, dans le fond, c'est des profits qui vont l'année passée et cette année pour les projets étudiants du Centre d'études collégiales à Chibougamau, dont je suis un enseignant aussi. Et cette année, il y a une organisation qui s'est rajoutée avec nous autres, c'est la Croix-Rouge. Okay. Plusieurs bénévoles sont venus faire un tour. Puis il y a une partie des profits qui vont leur être remis après avoir fait les comptes finaux là, cette semaine. OK. Mais dis-moi, donc 400 personnes, des commanditaires, est-ce que dans le fond, là, est-ce que c'est facile à vendre ces billets-là? Ah, c'est quand même bien, je te dirais. Faut bien entendu décoller notre vente quelques semaines avant l'événement. Je te dirais, cette année, on s'est parti 2 semaines, pas 2 semaines, mais 2 mois. 2 mois avant l'événement avec les posters, les publicités à la radio, publicités dans le journal local, La Sentinelle. Puis, on a continué en faisant de la promotion sur les réseaux sociaux, avec des entrevues, des promotions de lutteurs qui me challengeaient cette année. Okay. C'était très original. OK. Dis-moi, c'est sûr que ça va monter. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec ça? Est-ce que tu as l'intention, ben, je sais que de partir une petite école de lutte à Chibougamau, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse? Ben, peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est moi, je continue de lutter à Jonquière. Je vous dirais, là, environ aux 2 semaines. Okay. Faut comprendre que j'ai à me déplacer comme lutteur. Puis c'est quand même une bonne trotte, là. On parle de 3h30 de route. Ouais. Il y a bien des samedis, lorsqu'il y a le spectacle à Jonquière, je monte là, durant la journée, puis après le spectacle, dans le fond, je replie bagage, puis je reviens ici. Parce que j'ai une famille, j'ai des enfants. Ouais, ça. Ouais. Fait que je m'empêche pas de faire cette passion-là tant que mon corps suit, tant que ça va bien. Alors, on continue. C'est-tu beaucoup aussi? Ouais. Oui, pardon. C'est-tu exigeant? Ouais, c'est-tu exigeant sur le corps? Faut-tu être en forme autant que la boxe autant que les arts martiaux mix, Ben, qu'est-ce que ça d'entrée? Ouais. je vous dirais que oui, il faut être en forme. Il OK. faut être en forme physiquement, puis il faut être en forme aussi mentalement. Parce que on dit souvent que c'est un sport spectacle, la Non. lutte. Oui, c'est d'une certaine façon, c'est du théâtre, mais faire un match de 10, 12, 15, 20 minutes dans le ring, c'est très demandant physiquement. Au niveau de la force physique, au niveau de l'endurance, du cardio. Alors, faut quand même se tenir en bonne shape puis en bonne forme physique pour pouvoir justement donner ce spectacle-là à ceux qui vont payer, dans le fond, 10 $, 15 $, 20 $ pour venir voir le show. OK. Donc, en plein été, 400 personnes à Chicoutimi, c'est quand même, faut le faire pareil, là, parce qu'il fait tellement beau, c'est plus dur aussi dans ce temps-là aussi, là, puis on est en été. Effectivement. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, c'est sûr ça va revenir, mais est-ce que ça pourrait être plus vers la fin du travail? L'an passé, on a eu l'occasion, c'est sûr, on a eu l'occasion de le faire dans le gymnase du centre d'études collégiales, puis c'était à la mi-septembre. OK. Mettons que le moment était quand même bien, comment je pourrais dire, Moi, bien bien choisi. situé dans la période de l'année pour attirer un maximum de spectateurs. Cette année, à l'aréna, puisque le hockey va débuter bientôt, bien, fallait choisir une date avant que les gestionnaires de l'aréna fassent la glace, etc., etc. Alors, c'est des questions qu'il va falloir se poser. Est-ce qu'on peut le faire plus tard dans l'année? Oui. C'est certain qu'à ce moment-là, il va falloir peut-être utiliser une surface pour couvrir la patinoire. Ça se fait déjà. Je sais qu'il y a un gala qui s'est fait au Palais des Sports à Jonquière où ils ont recouvert la patinoire au mois d'octobre l'an dernier. Puis, c'était la JCW justement qui présentait son spectacle à ce moment-là. Alors, c'est des choses qui peuvent se faire durant l'année, mais c'est des affaires qu'on va regarder, qu'on va réfléchir pour la prochaine année, pour la prochaine édition du Super Gala de lutte à Chibougamau. OK. La JCW gagne de plus en plus. Est-ce que je me trompe? En disant ça, on entend parler au Saguenay beaucoup. C'est sûr qu'il y a un gala de lutte à toutes les semaines. Je me trompe-tu en disant que ça va de plus en plus. C'est de plus en plus fort, la lutte? La Ben, la JCW. JCW, c'est de plus en plus fort. Écoute, on est allé, puis dans les 3 dernières années où j'ai lutté pour l'organisation, on est allé à Métabetchouan cet été, à la fin juin. OK. Alors, un gros gala de lutte, très bien organisé d'ailleurs par la municipalité de Métabetchouan, Lac à la Croix. Puis, oui, la lutte, en général, la lutte est de plus en plus forte. C'est un gros spectacle, c'est un gros show, c'est un happening, c'est plaisant. Tu prends pour le méchant, tu prends pour le bon, tu prends pour le champion. T'as du plaisir, tu prends une petite bière, une petite consommation, c'est le fun, t'es entre amis, c'est vraiment là un gros happening, c'est vraiment le fun. Je OK. pense que les Québécois sont en train de redécouvrir ce sport spectacle-là. Effectivement, parce qu'il y en a beaucoup à la télévision, TVA Sport et RDS, donc ça aide aussi, là, quelque part. Puis t'as Ronda Rousey qui est une grande vedette qui s'en va là, quelque part, ça l'aide aussi, là. Ouais, effectivement, elle qui arrive du MMA. Ouais. J'avais Brock Lesnar aussi qui Ouais. était du MMA, qui était champion dernièrement. Effectivement. Lui, il retourne. J'ai pas encore écouté le SummerSlam là, mais je pense qu'il a perdu sa ceinture hier soir. Ouais, effectivement. Yannick, félicitations. Bravo et au plaisir de se reparler. Ben, écoute, merci de l'opportunité que tu m'offres justement de parler un peu de toutes sortes de choses parce que les dernières années, c'était le soccer, là, c'est de la lutte. On verra pour les prochaines années. Ben, inquiète-toi pas, on est toujours là pour ça. Même les gens de Chipougamau, à quelque part, on est loin, mais à quelque part, on dessert ça. Quand on le sait, quand on est au courant, ça me fait plaisir de parler. Ah, il faut écouter Dan Radio, c'est la meilleure radio sportive au 50 ans dans le nord du Québec. Merci beaucoup. Donc, Yannick Harvey, le responsable de JCW.